Vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au microphone pour notre entretien mensuel avec Cyril Barrette, professeur émérite du département de biologie de l'Université Laval. Et aujourd'hui, ce sera une discussion sur le thème des sociétés animales. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, ça va? Ça va très bien. Alors, quand on pense société animale, on pense aux sociétés d'insectes, comme les fourmis et les termites, par exemple. On pense aussi aux meutes de loups, aux lions, aux singes qui vivent en groupe. Alors, on va écarter les insectes pour s'en tenir aux sociétés de mammifères. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Oui, ça me convient parce que les insectes, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué, les insectes. Oui, les sociétés sont plus complexes, sont plus élaborées. Puis, oui, c'est intéressant ça, de dire que les sociétés d'insectes sont plus élaborées que les sociétés des mammifères. Oui, certaines, oui. Bon, on va commencer donc avec ces sociétés de mammifères. Alors, question toute bête, Cyril, en fait. Quels sont ces mammifères qui vivent en société? Mais en fait, à la limite, on pourrait dire que tous les mammifères ont un minimum de vie sociale, évidemment. Donc, le minimum qu'on va observer, c'est un mâle et une femelle pour le temps de l'accouplement, ou une femelle et ses jeunes pour le temps de l'allaitement jusqu'au sevrage. Mais les vraies sociétés ou les vraies organisations sociales, on les trouve particulièrement chez les primates et chez certains carnivores. Donc, les exemples que tu citais, une meute de lion, une meute de loup, un groupe des polars ou les grands singes, les singes en général, les macaques, les babouins. Ici, on trouve des groupes qui sont constitués d'individus qui se connaissent bien, des groupes dont la composition et la taille sont relativement constantes. Ça change seulement par la mortalité et la naissance de certains individus. Donc, tout le monde se connaît et tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Et donc, il y a des liens sociaux qui durent sur des longues périodes. D'accord. Donc, ça écarte les grandes hardes de caribous ou de gnous où tout le monde ne se connaît pas nécessairement. Oui, c'est ça. Et là, on peut faire une distinction entre un groupe social et une agrégation, comme on l'appelle en anglais. Je ne sais pas si c'est le mot juste en français. Un groupe social, dans un groupe social, les individus se rassemblent pour des raisons sociales, soit pour l'accouplement, soit pour la protection contre les prédateurs, soit parce que les individus sont apparentés. Alors que dans une agrégation, les individus se rassemblent pour des raisons écologiques et non pas sociales. Par exemple, des individus, un grand groupe qui se rassemble autour d'un seul point d'eau qui est résiduel, ou sous une talle d'arbres fruitiers, si on parle de certaines autres espèces, ou pour la migration, comme les gnous ou les caribous. Donc, c'est des raisons plus écologiques que sociales. Il n'y a pas vraiment de lien entre les individus, qu'ils appartiennent à la même espèce. Donc, on se retrouve avec des agrégations dont la composition est très fluide. Qui suivent la nourriture, finalement, ou l'eau. Ou l'eau, voilà. Donc, pour des raisons écologiques plutôt que sociales. Donc, on hésite à appeler ce cas des groupes parce que il n'y a pas de lien privilégié entre les individus. Ils appartiennent à la même espèce et puis ils se déplacent ensemble. Voilà. Donc, dans ces sociétés animales, des primates ou des carnivores, finalement, ça peut atteindre quelle taille? Est-ce que tous les individus sont égaux? Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie? On entend parler, par exemple, dans les loups, qu'il y a le mâle alpha. Il n'y a rien qui est égal dans ces groupes sociaux. Il y a effectivement une hiérarchie parce qu'il faut considérer que le groupe social est comme un environnement. Il y a l'environnement physique et il y a l'environnement social. Et cet environnement, les individus doivent s'y adapter comme ils s'adaptent à l'environnement physique. Et il y a toujours une hiérarchie. Il y a toujours une compétition entre les individus pour un rang plus élevé. Donc, si on simplifie, il y a un mâle alpha, puis il y a toute une série qui domine tout le monde, et un individu bêta qui domine tous les individus, sauf le mâle alpha, etc. Donc, il y a une dominance sociale entre deux individus. Il y a une hiérarchie dans le groupe, un premier, un deuxième, un troisième, si on simplifie un peu. Il y a des hiérarchies qui sont très linéaires, comme ça, le premier domine tous les autres, le deuxième domine tous les autres, sauf le premier. C'est très, très, très rigide. Donc, il y a toujours une compétition ou des efforts pour maintenir son rang et améliorer son rang. OK. C'est pas fixe. On peut monter dans... Les individus peuvent avoir... peuvent pas avoir l'espoir parce que je sais pas si les animaux ont d'espoir, mais il y a peut-être des possibilités de monter d'un rang. En tout cas, si on sait pas si c'est de l'espoir, mais si on observe le comportement, tout le monde aspire à améliorer son sort, à passer d'une caste basse à une caste un peu plus haute. Ouais. Et donc là, on a parlé des mâles, mais du côté des femelles, ça se passe comment? Est-ce qu'au mâle alpha correspond la femelle alpha, etc.? Ben, ça dépend. Dans la situation peut-être la plus simple, c'est ce qu'on trouve effectivement dans une meute de loups stable, typique. Il y a un mâle alpha et une femelle alpha. Donc, le mâle domine tout le monde. La femelle domine toutes les femelles et domine les mâles les plus bas dans la hiérarchie. Ah oui. Et on voit que le groupe constitue vraiment un environnement social auquel on s'adapte parce que dans une meute de loups, il y a seulement le mâle et la femelle alpha qui se reproduisent. Si on simplifie. Mm-hmm. Donc, ils ont le monopole de la reproduction. Les deux empêchent les autres de se reproduire. Mm-hmm. Si on voit un mâle qui fait la cour à une autre, un mâle subordonné qui fait la cour à une autre femelle subordonnée, le mâle et la femelle alpha ont tendance à les empêcher de se reproduire. Quel est l'intérêt? C'est une belle question. c'est d'avoir le monopole sur la reproduction. Ça n'améliore pas tellement la reproduction directement du mâle et de la femelle alpha, mais ça peut diminuer la compétition future parmi les chiots. Mm-hmm. Si il y a seulement la portée du mâle et de la femelle alpha qui sont dans l'environnement, il y a moins de compétition pour la nourriture, pour l'espace, pour les terriers, que si tout le monde se reproduisait, mm-hmm. puis que là, on avait besoin de plus d'espace, oui. de plus de nourriture. Mm-hmm. Mais finalement, donc, on reste donc avec les loups, là, pour le moment. Cette meute, là, finalement, sont apparentées. Est-ce que finalement, le mâle alpha, femelle alpha se reproduisent, font des chiots, bon, qui grandissent et qui grimpent les échelons également, ou est-ce que les autres qui sont en dessous ne sont pas apparentés au mâle alpha et à la femelle alpha? Ils ne sont pas nécessairement apparentés parce qu'il y a une limite à la taille de la meute qui est conditionnée par la taille des proies, par l'abondance des proies. On comprend que si on a une meute de 15 qui chasse du lièvre, bien, quand on tient un lièvre, on n'a pas beaucoup de retour. Mais s'il y a beaucoup de proies de grande taille, comme des orignaux, des caribous, des chevreuils, bien là, la meute peut être plus grande. Et plus la meute, plus les conditions écologiques sont difficiles, moins il y a de proies, plus la tendance à l'émigration de la meute natale est forte. Donc, quand les individus atteignent l'âge de la reproduction, ils se dispersent d'eux-mêmes ou ils sont chassés mm-hmm. par les dominants. Mm. Est-ce que des étrangers peuvent rentrer? Ça, c'est très rare. C'est très difficile. On admet très, très peu un étranger. Ouais, donc, ça reste quand même un certain pool génétique homogène à l'intérieur de la meute? Ben, homogène pour la durée de la meute. Ouais. La durée de la tenue, comme on dit en anglais, de la possession de la meute par le mâle et la femelle alpha, parce qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas un règne indéfini. Mm-hmm. Ils vont faire un mandat, peut-être, des mandats, si on fait le lien avec la politique, et puis ils vont être vite évincés, parce que c'est très difficile de maintenir le statut. Mm-hmm. Parce que les jeunes qui sont derrière, mâles et femelles, aspirent à monter. Donc, ils sont réprimés pendant un certain temps, mais éventuellement, ils peuvent se mettre à deux, par exemple, particulièrement chez les primates, pour déloger le dominant. Donc, le règne des dominants ne dure pas éternellement. Mm-hmm. Bon, ça, c'est ce qui se passe chez les loups, mais chez les lions, chez les primates, ça ne se passe pas nécessairement pareil. Des fois, il y a un mâle, mais qui a comme plusieurs femelles à sa disposition. Oui, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'appariement. Ou les régimes d'appariement. Alors, il y a le cas des loups, il y a une paire qui est dominante. Le cas des lions, où il y a quelques mâles, un mâle ou deux ou trois parfois, mm-hmm. et des femelles, un certain nombre de femelles. Il peut y avoir jusqu'à une quinzaine de femelles dans la même meute. Donc là, la dominance, il n'y a pas tellement un mâle dominant qui a accès à toutes les femelles. Mais les mâles qui sont là défendent la meute, défendent le territoire de la meute, et mm-hmm. les mâles ont accès aux femelles. Mm-hmm. D'une façon un peu indifférenciée. Là. D'accord, d'accord. Mais là, est-ce qu'il y a toujours une dominance du mâle sur la femelle? Est-ce que les femelles ont quand même quelques dominances par rapport à certains mâles qui seraient en bas de l'échelle? Chez les lions, c'est, on voit presque jamais ça. Les mâles sont toujours dominants. Moi, que ce soit un mâle qui a perdu son statut, mm-hmm. qui est très vieux, qui est blessé, qui est affaibli, les femelles peuvent le dominer en compétition autour d'une carcasse, par exemple, pour la nourriture. Mais sinon, les mâles dominent les femelles. Une des exceptions notables chez les carnivores, c'est la hyène tachetée. Mm-hmm. La hyène tachetée, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, la femelle est plus lourde et plus agressive que les mâles et domine les mâles. Le système social est vraiment matrilinéaire et les matriarcales s'est organisé autour des femelles. Ça existe, ça. C'est la hyène tachetée. Curieusement, ça n'existe pas chez les deux autres espèces de hyènes, la hyène brune et la hyène rayée. Mais chez la hyène tachetée, la femelle est clairement dominante. Ah, oui. Et beaucoup plus. C'est comme si chez la hyène tachetée, le sexe n'était pas corrélé au genre. Mm-hmm. La femelle est de sexe féminin, mm-hmm. à tout point de vue, mais elle a le genre masculin. C'est elle qui est dominante, c'est elle qui est agressive. Tiens, c'est quand même surprenant. C'est vraiment une exception dans le monde animal. Chez les mammifères, c'est une exception. Moi, je ne connais pas d'autres exemples. Ouais. Et comment ça se passe chez nos cousins, les chimpanzés, chez les bonobos, chez les gorilles? Comment ça se passe dans ces sociétés-là? OK, alors, chez les gorilles, on a la situation la plus simple, peut-être, chez les grands singes. C'est qu'on a un mâle dominant qui a accès à toutes les femelles, qui défend comme un harem de femelles et qui défend aussi le territoire. Et ce mâle-là, qu'on appelle un dos argenté, silverback en anglais, il est très visible. C'est-à-dire, il peut avoir un poids qui est le double de celui d'une femelle. Donc, il y a vraiment un dimorphisme sexuel très, très fort. Et ce mâle-là est vraiment extrêmement dominant sur tout le monde. Et c'est lui qui contrôle l'accès à toutes les femelles. Donc, un mâle avec un certain nombre de femelles. Mm-hmm. Alors, chez le chimpanzé, c'est un système d'appariement qui est différent. Il y a plusieurs mâles et plusieurs femelles. Mm-hmm. Et il y a plusieurs mâles qui peuvent se reproduire. Mais il y a quand même une compétition entre les mâles pour l'accès aux femelles, mais la reproduction n'est pas limitée à un seul mâle. Mm-hmm. Surtout que chez le chimpanzé, les groupes sont de plus grande taille. On peut avoir un groupe d'une cinquantaine, alors que chez les gorilles, c'est peut-être une douzaine. Et ces groupes de chimpanzés sont par le groupe lui-même. Tous les individus se connaissent, mais en un moment donné, ce groupe-là peut être scindé en plusieurs sous-groupes de recherche de nourriture. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour des mâles subordonnés, normalement, qui ne s'accoupleraient pas en présence du grand mâle dominant, mais qui le feront si les groupes sont scindés en plusieurs sous-groupes de recherche de nourriture. Mm-hmm. Fait que là, ça montre quand même qu'il y a plusieurs modèles, un petit peu, plusieurs façons. Mais maintenant, comment les parents s'investissent, vu qu'il y a plusieurs façons de s'accoupler, bon, un mâle avec une femelle ou un mâle avec plusieurs femelles, etc. À quoi ressemble l'investissement parental chez ces différentes espèces, selon ces différents modèles? Parce que quand il y a juste un mâle, une femelle qui se reproduisent comme chez les loups, finalement, la femelle, elle n'est pas souvent... Il faut qu'elle attende plusieurs années, au moins un an, deux ans, avant à nouveau qu'il y ait un nouvel accouplement. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément le même couplement parental, peut-être que pour d'autres, dans d'autres espèces, je ne sais pas. En fait, le régime d'appariement qu'on observe, c'est soit que ce soit monogame ou polygyne, c'est-à-dire un mâle qui accouple plusieurs femelles, ou polyandre, qui est plus rare, une femelle qui a plusieurs partenaires, ça dépend vraiment, c'est vraiment corrélé très fortement à l'investissement parental. Étant donné la nature d'un mâle et d'une femelle chez les mammifères particulièrement, chez un grand nombre d'autres espèces aussi, si je résume un peu, essentiellement, une femelle est un individu qui investit beaucoup dans la progéniture. On le voit chez les mammifères par la grossesse et l'allaitement. On le voit chez d'autres espèces par la production d'un très grand nombre de gamètes, etc. Alors qu'un mâle, par définition, produit des gamètes de petite taille en grand nombre. La première conséquence de ça, qui a des conséquences sur tout le reste du système social, c'est qu'un mâle peut augmenter, améliorer son succès reproducteur en multipliant le nombre de partenaires, mais pas une femelle. Ouais. Et tout le reste du système social découle de ça. Un mâle est masculin parce qu'il a avantage à multiplier le nombre de partenaires. Mm-hmm. Évidemment, ça dépend aussi souvent des conditions écologiques, mais tout le reste étant égal par ailleurs, le mâle... La tendance très forte chez les mammifères, en tout cas, et chez plusieurs autres espèces, c'est la polygynie, c'est-à-dire un mâle qui s'accouple avec plusieurs femelles. Mm-hmm. Parce que, entre autres, le mâle investit très, très peu dans la progéniture. Mm-hmm. S'il est obligé d'investir dans la progéniture, il sera obligé d'être monogame. Mm-hmm. Donc, en tout cas, chez les mammifères, la monogamie, pour un mâle, c'est jamais un choix. Mm-hmm. C'est une obligation. Ben justement, donc chez le loup, finalement, vu qu'il y a un accouplement, un mâle, une femelle, finalement, il est obligé d'attendre un petit peu que sa femelle, à nouveau, soit à nouveau disponible. Oui. Donc, est-ce que, du coup, il a le temps de s'investir pour son petit par rapport à d'autres modèles où, finalement, le mâle peut aller rencontrer une autre femelle et puis faire ce qu'il a à faire? Ben, chez les loups, c'est un peu plus compliqué parce que les individus qui ne se reproduisent pas, les subordonnés, contribuent aussi, peuvent contribuer à l'élevage de la portée des dominants. Ah oui? Ils ramènent de la nourriture. Alors, on le voit dans les reportages chez les loups, ils vont tuer une proie à distance, ils s'alimentent à distance, ils se goinfrent de nourriture, et ils reviennent à la tanière et ils régurgitent pour les jeunes, pour les chiots. Et parfois, chez des espèces comme le licaon en Afrique, par exemple, ils régurgitent aussi pour des individus adultes qui sont comme les gardiens ou les gardiennes de la portée qui est dans son terrier pendant que les autres sont en train de chasser. Donc, plusieurs individus participent à l'investissement parental. Ah. Mais le père lui-même ne s'investit pas plus, ouais. ne s'investit pas pour autant. Il pourrait avoir le temps. Il aurait le temps, il aurait avantage, mais il le fait. Ouais. Chez les loups, il le fait. Le mâle chasse et puis revient okay. et régurgite pour les petits. Mm-hmm. Et comme il est dominant, et il y a seulement le dominant ou à peu près qui se reproduit ou qui s'accouple, c'est comme si le mâle alpha savait que les jeunes de la portée sont les siens. Mm-hmm. Donc, il a avantage génétiquement à en prendre soin. Mm-hmm. Est-ce que le mâle dominant a un accès privilégié aux femelles? Est-ce que il a aussi un accès privilégié à la nourriture, par exemple? Donc, s'il y a un individu dans le groupe ramène une proie, une carcasse, donc est-ce qu'il va avoir un accès privilégié à cette carcasse? Oui. Ou si c'est des singes qui mangent, qui récoltent dans les arbres des fruits, est-ce que le singe oui. dominant va avoir un accès privilégié à cette source de nourriture dans les arbres? Oui, absolument. La dominance coûte cher à acquérir, mais il y a des bénéfices. Mm-hmm. Ces bénéfices-là, c'est l'accès aux ressources, que ce soit de la nourriture ou un partenaire ou un lieu de repos. C'est comme si la dominance n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est le moyen d'avoir plus facilement accès aux ressources sans avoir à se battre à chaque fois pour avoir accès aux ressources. Une fois que la dominance est établie, tout le monde connaît son rang. Mm-hmm. Donc, on pourrait penser que évidemment, ça permet, quand on l'observe, un groupe social plus harmonieux. Il y a moins de chaos, c'est pas chaotique, il n'y a pas des combats constamment. Mais cette dominance-là n'a pas pour objectif d'avoir une grande harmonie dans le groupe. Elle a comme objectif de faciliter la survie et la reproduction de tous les individus. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, on voit très bien, évidemment, que le dominant en profite puisqu'il a accès plus facilement à la nourriture, mais les subordonnés en profitent aussi parce qu'ils ne sont pas toujours impliqués dans des conflits mm-hmm. avec un individu qui serait plus lourd mm-hmm. qu'eux, par exemple, qui serait toujours en train d'essayer d'établir sa dominance. Une fois que la dominance est établie, tout le monde connaît son rang et c'est à l'avantage de tout le monde. Mm-hmm. Mais l'accès à la nourriture, en même temps, ça participe quand même au succès reproducteur du dominant, quand même. Bien sûr, bien mm-hmm. sûr. Et les subordonnés le savent. Évidemment, ils ne le savent pas intellectuellement, mais c'est un autre exemple de l'intelligence des gènes. Les subordonnés savent très bien qu'il est avantageux d'être dominant, donc ils tentent pendant toute leur vie d'acquérir le statut de dominant. Ouais. Mais comme le dominant est dominant, il est plus gros, il est plus fort, il est plus expérimenté, c'est toujours difficile d'acquérir la dominance. Mais il y a toujours une pression venant de la part des subordonnés pour améliorer leur sort, donc améliorer leur rang. Mm. On devine justement quand il y a eu, pour ce changement de dominance, j'imagine qu'à un moment donné, le mâle dominant commence à perdre un petit peu de sa vigueur et les jeunes qui poussent acquièrent plus de vigueur, donc il y a peut-être un remplacement de cette sorte-là. Il y a un combat. Absolument. Il y a si on observe particulièrement les babouins et les macaques, on la voit cette pression-là constamment. Les subordonnés surveillent le dominant, puis recherche constamment la chance de s'approcher d'une femelle ou de subtiliser la nourriture. La pression est constante. Oui. Mais si le dominant est vraiment bien établi, il suffit de regarder le subordonné pour le faire fuir. Oui. Il va le menacer ou il va lui montrer les dents. Ou à la limite, il va l'attaquer. On va se retrouver dans un combat. Puis là, tout le monde comprend que ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais ça, on le conçoit. On voit des images pour cette dominance entre mâles pour changer de statut et acquérir à un moment donné le statut de dominant. Mais chez les femelles, ça se passe comment? Chez les femelles, ça existe aussi. Le phénomène est légèrement différent. Il y a une sorte de... J'aime pas trop l'expression d'héritage du rang de la mère. Mm-hmm. Alors, par exemple, un jeune mâle ou une jeune femelle dont la mère est dominante a beaucoup plus de chances de devenir dominant. Ah oui? Parce que c'est comme si... Mimétisme de sa mère? Oui, j'ai l'habitude de voir la mère qui a une position de dominance. Peut-être que ça enseigne aux jeunes que c'est le genre de choses qui est payant ou le genre de choses qu'il peut se permettre de faire. Aussi, le fait que si la femelle est dominante, ça veut dire qu'elle est plus en santé, elle est plus vigoureuse, elle est plus forte. Donc, ces jeunes ont plus de chances d'avoir acquis ce genre de caractères physiques qui sont reliés à la dominance. On ne connaît pas le mécanisme exactement, mais tout ce qu'on peut observer chez les macaques et les babouins, c'est que les jeunes d'une femelle dominante ont beaucoup plus de chances de devenir dominants que les jeunes d'une femelle subordonnée. Mm-hmm. Il y a comme un héritage, là, un destin qui est transmis de génération en génération pendant un certain temps. Mm-hmm. Est-ce que là, on parle finalement de l'organisation des groupes en vue de la reproduction. Donc, il y a certes, bon, il y a les mâles qui se reproduisent, les dominants qui se reproduisent, les autres, ça dépend un petit peu des espèces animales. Ils attendent leur tour. Oui, ils attendent leur tour. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions, est-ce qu'il y a d'autres rôles attribués dans un groupe? Oui, ça arrive, mais j'aime pas le mot rôle dans ce contexte-là, parce que le mot rôle, ça sous-entend qu'il y a un objectif au-delà du bien de l'individu. Comme un acteur joue un rôle dans une pièce, comme s'il y avait un objectif qui dépasse l'individu, qui dépasse son succès à lui. Mais je comprends l'expression rôle. Si on lui met des guillemets, j'ai pas de problème. Il doit avoir une fonction sociale, peut-être. Oui. Par exemple, dans la protection contre les prédateurs, si on prend un des exemples classiques, les suricates. Mm-hmm. Regardez les suricates, qui est un petit animal qui ressemble à une mangouste, là, qui vit dans le désert du Kalahari. Vous les observez, il y en a une quinzaine dans un groupe, par exemple, qui sont en train de se nourrir, et il y a un des individus qui ne se nourrit pas, qui a grimpé sur un buisson ou sur une roche, et puis qui monte la garde, qui surveille les prédateurs. Alors ça, c'en est un rôle social. Ce rôle-là est joué par des subordonnés. Les dominants sont trop occupés à faire autre chose, à assurer leur succès. Un guetteur, finalement. Un guetteur. Mais c'est pas une fonction qui est permanente comme les castes de soldats chez les fourmis, par exemple. Okay. C'est chacun son tour. Aujourd'hui, c'est moi qui est guetteur, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il y a un rôle là de guetteur, une sorte d'altruisme réciproque, si vous voulez. Aujourd'hui, je sacrifie une partie de mon temps d'alimentation pour guetter l'avenue des prédateurs, mais demain, ou dans 2 heures, j'aurai besoin de manger, c'est quelqu'un d'autre qui devra prendre ce rôle-là. Mm-hmm. Le seul autre exemple qui me vient, c'est une sorte de leadership dans le déplacement des groupes. Mais je mets des guillemets ici aussi parce que c'est une sorte de leadership ou de meneur ou de meneuse passif. On voit ça, par exemple, chez les éléphants, où je l'ai observé, c'est une sorte de cerf en Asie, le cerf axis. Dans la grande majorité des cas, c'est une vieille femelle qui, plus souvent que les autres, décide de partir dans une certaine direction à un certain moment. Et là, cette femelle-là crée un effet d'entraînement. Ah. Les autres la suivent. Mais on ne pense pas que cette femelle-là... Et c'est pas forcément la femelle dominante. C'est pas nécessairement la femelle dominante. C'est souvent une vieille femelle qui est expérimentée et souvent une femelle qui est accompagnée d'un jeune. Donc, si on pense en termes anthropomorphiques, j'imagine que dans la tête des autres, on se dit, si cette femelle a décidé de se déplacer maintenant et dans cette direction, particulièrement avec un jeune qui est vulnérable, par exemple, à la prédation, ça veut dire qu'elle a bien perçu... le risque de se déplacer, et donc c'est payant de la suivre. C'est difficile à interpréter quand même. Ah ouais, là, je suis en train de spéculer, mais c'est la seule spéculation qui me vient pour expliquer pourquoi est-ce que les autres décident de la suivre, c'est souvent une vieille femelle. Ouais. Et souvent, par exemple, chez le cerf axis, où j'ai observé souvent, la femelle en question a passé 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure à observer attentivement dans les buissons pour être sûr qu'elle pouvait rentrer dans la forêt à cet endroit-là. Et c'est comme si les autres la voyaient du coin de l'œil, et quand ils la voient partir, ils se disent c'est sécuritaire dans cette direction-là. Là, je suis en train complètement d'avoir une interprétation anthropomorphique, mais c'est comme un leadership passif, dans le sens que c'est pas une femelle qui joue ce rôle-là, mais les autres la suivent. C'est pas toujours la même, d'ailleurs. Et les autres la suivent plus ou moins passivement. Et une dernière question aussi qui me vient en tête dans la petite minute qui nous reste aussi, parce que là, on parle du groupe à l'intérieur, de l'organisation du groupe, du fonctionnement du groupe à l'intérieur. Mais nécessairement, dans une espèce, il y a plusieurs groupes répartis sur le territoire. Puis, est-ce que ça peut arriver? Chaque groupe, j'imagine, occupe un certain territoire avec l'accès à la nourriture, les points d'eau à cet endroit-là. Est-ce que ça peut arriver que les groupes se bagarrent pour avoir accès, pour occuper un territoire comme on le fait, nous, les humains? Très souvent. Oui? C'est tout à fait courant. Chez les carnivores, chez les primates, c'est là le rôle principal, par exemple, chez les lions, des mâles qui défendent le territoire. C'est d'annoncer le territoire par les rugissements, par le marquage olfactif, par les combats. Et autant il y a une grande cohésion à l'intérieur, puis un altruisme toujours égoïste, là, en fonction des gènes, mais il y a un altruisme très développé à l'intérieur des groupes. Il y a un tribalisme très fort entre les groupes, que ce soit chez les chimpanzés ou les babouins ou les macaques, particulièrement quand le groupe atteint, chez les singes, quand le groupe atteint une certaine taille au-delà d'un seuil critique, là, le besoin de territoire, le besoin de nourriture devient tellement intense que les individus ne tolèrent absolument pas les groupes voisins. Si les groupes voisins se rencontrent, il y a un combat, des combats très, très féroces. Mais si on voit que le groupe voisin, il a accès à un meilleur point d'eau qui ne sèche jamais ou qui a plus de fruits dans l'arbre, est-ce qu'il va y avoir des guerres entre pour aller occuper ce territoire-là? Absolument. Et chez les chimpanzés, on observe même des vrais gestes de guerre, là, où il y a trois ou quatre mâles adultes qui partent en campagne puis qui vont approcher un groupe voisin puis qui vont attaquer le groupe et qui vont aller jusqu'à tuer des mâles dominants de l'autre groupe. Ah ben, on a de qui tenir, alors. ça vient de loin. Ça vient de loin. En tout cas, c'était encore une discussion passionnante. Je pense qu'on n'a pas tout découvert de ces sociétés animales, mais c'est absolument fascinant. Est-ce qu'on se revoit dans un mois pour une autre de ces discussions? Pourquoi pas? Ça me fera plaisir. Oui. Alors, bien, merci beaucoup, Monsieur Barrette. Je rappelle que nous étions donc en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Merci à vous.